notre chemin mouton, sablons le malaisé, et de tous les côtés au soleil exposé. Si fort chevaux, tirez ta coche, femme moine vieillard, tout était descendu. L'attelage sué, soufflé était rendu, une mouche sur vingt et des chevaux s'approchent, prétend les animer par son bourdonnement, pique l'un, pique l'autre, et pense à tout moment qu'elle fait aller la machine, s'assied sur le timon, sur le nez du cocher, aussitôt que le char chemine et qu'elle voit les gens marcher. Elle s'en attribue uniquement la gloire, va bien fait l'empresser, il semble que ce soit un sergent de bataille, allant en chaque endroit, faire avancer ses gens et hâter la victoire. La mouche en ce comme un besoin, se plaint qu'elle agit seule et qu'elle a tout le soin, qu'aucun n'aide aux chevaux à se tirer d'affaire. Le moine disait son bréviaire, il prenait bien son temps, une femme chantait, c'était bien de chansons qu'alors il s'agissait. Dame mouche s'en va, chanter à leurs oreilles, et fait sans sottise pareil. Après bien du travail, le coche arrive en haut, respirons maintenant, dit la mouche aussitôt. J'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine, ça messieurs les chevaux, pavez-moi de ma peine. Ainsi certaines gens, faisant les empresser, s'introduisent dans les affaires. Ils font partout les nécessaires et partout un portin devrait être chargé.